y'a de l'oseille et que du ça. Ce soir on danse jusqu'à 7h du soir. Elles font les belles, ils font les stars. Et digi digi digi digi, vas-y j'pars. Y'a de l'oseille et que du ça. Ce soir on danse jusqu'à 7h du soir. J'suis dans mon bolide. Skyrock, Rail Suprême. Un blindé, c'est de pas savoir sur qui compter. Je suis en colloque avec moi-même, non, dans ma tête, je sais pas ce qui se passe. J'ai bu trois verres, je voyage toute la terre. Je rejoins l'espace, c'est que moi, quand je lève mon machin, je prends un selfie, je leur dédicace. Moi, star, c'est, je suis sur la piste, le platine, c'est DJ Kai. Ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Suprême. C'est Rai Suprême sur Skyrock. C'est Rai Suprême. Rai Suprême. 2 heures. DJ Kaste, ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock. Voor je paard, dan je ex die is een sukkel en die loopt hier me te haten, man. Maar het doet me niks, nee, ik ben niet meer te raken, man. En voor een klein beetje geld doet ze hele vieze dingen. Ik neuk een beetje dat ik liedjes loop te zingen. Ik maak mijn eigen geld en ik ben liters aan het pinnen. Schat, ik wil jou, maar ben niet vies van je vriendinnen. En je vriend die net zijn salaris heeft gehad. Het is geen gangster, liefde schat, hij moet niet praten over dat. Straks loopt hij uit de hand en hij wordt dadelijk geklapt. Dan wordt je vaker in de dag. Minuit 2h dans Rai Suprême sur Skyrock. Rai Suprême. Minuit 2h. DJ Kaste, ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock. Elle en veut à mon mari. Je sais qu'elle fait crari. Quand elle dit que je suis son mari. Je veux du fond à son t-shirt, pas loin des abdos. Si tu veux boire, bitch, faut cambrer le dos. L'OG follow me, je vais lui casser le dos. Petite, va doucement, l'alcool, c'est pas de l'eau. Ce soir, on va claquer. Sur ton poule, je suis bloqué. Si tu veux te faire déposer, va falloir coopérer. J'croyais que j'allais la ken. J'te raconte pas la scène. Elle me parle de rentrer chez elle. J'suis vaincu. Et c'est réel. Désormais, si je baisse pas, j'dépense pas. Désormais, si je baisse pas, j'dépense pas. Désormais, si je baisse pas, j'dépense pas. Désormais, si je baisse pas, j'dépense pas. Désormais, si je baisse pas, j'dépense pas. Désormais, si je baisse pas, j'dépense pas. Désormais, si je baisse pas, j'dépense pas. Désormais, si je baisse pas, j'dépense pas. Suprême en direct sur Skyrock. Paris, il en veut à mon wali. C'est un mec du quartier, je connais, hein. Tous deux en amitié. Bah ouais. Il a préparé sa race, ouais, il a même fait une raise. Il m'a dit ce soir on blesse ça. Si tu payes pas, je paye pas. Si je baisse pas, je viens pas. Il m'a dit, go, t'inquiète pas. Dans tes snaps, t'as l'air blindé. Crois pas que tu vas nous blaguer. Quand faut payer, tu te fais oublier. Quand la Star Wars, t'es bien placé, hein. Laisse-moi manger, la bouteille est payée.

À la place, Rachid Arabe, on ramenait jamais ce qu'on volait à la baraque. Par peur, c'est marave. Débrouillard, plutôt jeune, un gosse du rachet système. Beurre et concentre son potentiel en France. Si facile se retrouver au Hebs, Halafi. On tremble dans des coups, des trafics. Je suis toujours un petit reflé, toujours à l'affût, vicieux d'El Spa. Débrouillard, dit star, ça, c'est le coup de grippe, rachet système. Pour ceux qui ont pas froid aux yeux, les adeptes extrêmes qui tentent de faire recette, se mangent des coups, se relèvent. Et parfois, c'est fatal, ça semble interminable comme une jifada. Avec les moyens du bord dans tous les domaines, on a la hache, t'as les trappes, et suis en tour ouvert aux critiques. Aussi vrai que j'aime mon pays et que rien ne vaut. Rage et système, gros. Rage suprême, minuit 2h. Avec Fred et DJ K sur Skyrock. Sur Skyrock. Ferré. Prends juste un verre, c'est ton budget serré. Nico MC, plus de lumière sur mon flow. Même sur de la fin, je fais mon show. Et je dédicace tout notre CK. Vu comme c'est parti, ce soir on va rentrer tard. C'est pour mon équipe que les demoiselles se préparent. Je finis mon couplet avec l'accent de Bléda. À Casa, de Tunis à Paris.

le son qui éclaire, qui partage et rassemble. C'est les beaux quartiers qui dansent avec les grands ensembles. Ceux qui souhaitent un pays convivial, alors ils croient en une autre identité nationale. C'est le son qui rêve en réalité, change les mentalités et tue l'amorosité. Il invente, imagine et renverse les clichés établis et oublie leur tristesse. Tous les codes sont bannis, révisés, on mettra des baguilles jusqu'à l'Elysée. Plus de quotas dans le foot ni ailleurs, peu importe la couleur, on gardera les meilleurs. Les blaireaux, les fachos, c'est la même, c'est quand il y en a beaucoup que ça pose des problèmes. On va marier Nassim et Delphine, pas seulement pour la rime, un second tour sans Marine. Et si on chantait de toutes les couleurs, on va faire danser les corps et les cœurs. Si on est tous ensemble, ça nous suffira. Si l'on passe ensemble, on nous entendra. C'est le son qui réécrit l'histoire. Sortez tous dans la rue, on va chanter l'espoir. À Paname tous menottés, à Sanas tous menottés. Rail suprême, minuit, 2h, DJ Case d'ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock, tous menottés, à Marseille tous menottés, à Toulouse tous menottés. Menottés, menottés. 2016 pour la house rap, que des flots pétés, je vais arrêter tous comme Kevin Trapp. Je t'en fais voir de toutes les couleurs, comme les aérois et les sapeurs. T'es technique et précis, riviste et classique, ici y'a pas de faux messie. Balance ton flow, peu importe ton bagot, croise les mains et balance sur le déco. Dans 5-9 tous menottés, dans 6-9 tous menottés, à Strasbourg tous menottés, menottés, menottés. À Valence tous menottés, à Clermont tous menottés, à Bordeaux tous menottés, menottés, menottés. Menotté, menotté. Ils font les biggies mais non pas les bagages. Je suis blaise, moi tu dis mais c'est une joule devant le virage. Devant les bleus, tu deviens tout bleu. Range ta beurre et trouve-toi un bon baveur. J'attends le soleil pour me barrer. Tu as sommeil, t'enchaînes les TP. Balance ton flow, peu importe ton bagot. Croise les mains et balance sur le déco. Dans la banlieue, tous menottés. Paris sont tous menottés. Dans le 9-3, tous menottés. Menotté, menotté. Ça fait longtemps qu'on m'attendait. De retour, je vais tout donner. Tous tes rapports ne font que copier. J'arrive les menottés. Ça fait longtemps qu'on m'attendait. De retour, je vais tout donner. Tous tes rappeurs ne font que copier. À Phuket, tous menottés. Mes Algériens, tous menottés. OCI, tous menottés. Menottés, menottés. Les Tom-Tom, tous menottés. Les Antilles, tous menottés. Mes Africains, tous menottés. Menottés, menottés. Balance ton flow, peu importe ton bagot. Croise les mains et balance sur le déco. Balance ton flow, peu importe ton bagot, croise les mains et balance sur le déco. Balance ton flow, peu importe ton bagot, croise les mains et balance sur le déco. Balance ton flow, peu importe ton bagot, croise les mains et balance sur le déco. Menotté, menotté, menotté, menotté, menotté, menotté, menotté, menotté, menotté, menotté, menotté, menotté, menotté, menotté, menotté, menotté. À Paname tous menottés, à Sanas tous menottés, à Tenant tous menottés, menottés, menottés. Montpellier tous menottés, à Marseille tous menottés, à Toulouse tous menottés, menottés, menottés. Dans 5-9 tous menottés, dans 6-9 tous menottés, à Strasbourg tous menottés, menottés, menottés. Ah, c'est un kiff de faire Rail Suprême ce soir sur Skyrock. Il est très chaud là, DJ Kaze, hein. Il a pas fini de vous ambiancer, croyez-moi. Vous continuez d'être actif avec le hashtag Rail Suprême. Bienvenue dans la plus grande fête orientale de France. Ça se poursuit dans un instant sur Skyrock. Rail Suprême en direct avec DJ Kaze. Elle est folle. Elle m'a pris pour un con en fait. Je crois que c'est dimanche soir. DJ Kaze te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. هي لا ستار تبغي تحكم هي لا ستار شحال تبقى بر هي لا viens de m'appeler. Éphémère, pas les prix si je te plais pas. Me mépriser mes gars, faut me playback. Ça me fait bizarre quand je vois les gens danser sur la moula. Ouais, c'est bête, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pris du galon depuis la partie 1. Gros, j'ai pas quitté le texte, la rue, la vraie. Avec du lard, connais pas la porte claire. On se tue l'air, c'est toi qui le brasse. Tu passes, tu parles, on sait que tu ne brasses pas. J'ai plus de cellulaire quand la ligne est restreinte. Ungadier, appétit, passe me par, je la moula du Brésil. Rail suprême, me loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Ungadier, appétit, appétit. Ungadier, appétit. Ungadier, appétit, appétit. Ungadier, appétit, passe me par, je la moula du Brésil. Imbécile, me loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. La moulette donne pas l'âme. On se chape comme Verratti ou Mota. Je suis seul raté, ils sont bonnes touches. Afro trap pas marqué, donc ça coule ma gros. File mon chèque, on m'a donné la chauffeur, je connais plus l'échec. Je connais plus l'échec, toujours titulaire comme Keita Chèque. Les négros en redemandent, passe à coup de fil, y'a d'un peu frais sur comment. Tu me passes sur les réseaux, tu t'es ma m'écrit. Tu dis que c'est la merde, passe me voir que je te démonte. Je suis toujours en apnée, ces bâtards je les sens pas. Tu te butes à la Yoka, on se bute à la peuf. C'est la Champions League, 7-5 c'est la Champions League. 9-1 c'est la Champions League. 9-2 c'est la Champions League. 9-3 c'est la Champions League. 9-4 c'est la Champions League. 9-5 c'est la Champions League. 7-7 c'est la Champions League. 7-8 c'est la Champions League. C'est la Champions League. Panam c'est la Champions League. Fox si t'es pas de ma team. Panam c'est la Champions League. On pèse plus en Champions League. Panam c'est la Champions League. Fox si t'es pas de ma team. On pèse plus en Champions League. Panam c'est la Champions League. Les gars, les gars, c'est mon malheur. J'aime trop les femmes, abusé. C'est mon malheur, abusé. Même vous mesdames, vous vous amusez. Polygame, abusé. Pas d'amalgame, abusé. Polygame, j'ai la fusée. Fatigué de chercher la bonne. Ce que j'ai pas chez l'une, je l'ai chez l'autre. Elle ne veut que le sexe et la somme. Si l'amour est mort, c'est pas de ma faute. Elle aime collectionner les hommes. Trois numéros de téléphone. Allô chérie, rien que ça sonne. Cyclone d'envie quand elle est dans la zone. Toi et moi,

J'suis avec mes chéguets dans les parcs des pays. J'suis avec mes chéguets

jackpot on donne ça à l'ancienne comme au bon vieux temps. Tous nos potes se traînent avec nous. C'est que le rappel du ghetto. Jackpot, jackpot, oh. Touche sur la piste comme ça. Ok. Toc, toc, toc. C'est que c'est comme ça. Je vous parle de respect, je vous parle de cette valeur qui se perd en effet. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Mis sur pied, le regard froid, ils scrutaient la salle à nos trois corps en cul roulé autour du bras. Pour les plus classes, des mocassins, des buloni. Dès qu'il passait, caméo, midnight star, SOS, bomb, delegation ou chalamar. Tout le monde se levait, des cercles se formaient. Des concours de danse, on peut partout s'improviser. Je te propose un voyage dans le temps, via planète Marseille, je danse le Mia. Sky, je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Jusqu'à ce que la soirée vacille. Une bagarre au fond et tout le monde s'éparpille. On râlait que c'était nul, que ça craignait. Le samedi d'après on revenait tellement qu'on s'emmerdait. J'entends encore le rire des filles qui assistaient au palais. Des Renault 12 sur le parking. À l'intérieur, pour elles c'était moins rose. Oh cousine, tu danses ou je t'explose. Voilà comment tout s'aggravait. En un quart d'heure, le frère aura piqué. Oh comment tu parles à ma gueule. Viens avec moi, on va se filer. Tête à tête, je vais te fumer derrière les vitrées. Et tout s'arranger ou se régler à la danse. L'un disait fils, y'a aucune chance. Et les filles, mes chaussures brillent. Hop, attends, je brille. Je te bousille, tu te rhabilles. Et moi, je danse le Mia. J'aime les voitures, c'était le défi. K8, c'est 73. JM120, mon petit, du grand voyou. À la plus grosse montiette, la main sur le volant. Avec la moquette, par un soleil pionné sur le pare-brise arrière. Dédé et Valérie écrit en gros. Sur mon père. La bonne époque où on sortait la 12 sur Magic Touch. On lui collait la bande rouge à la Starsky Hutch. J'avais la double longue, Eric aussi, Malek, Coco. La coupe à la mare, les Pascal et Terrasta. Des afros sur François et Joe. Déjà à la danse à côté de personne ne touchait une bille. On dansait le Mia. Suprême, 8h, 10h. DJ Case d'ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock. Je danse le mia. Sur Radio Chacal en duplex live avec le Star Flash Laser Light Action Club. C'est tout de suite 3, 2, 1, DJ. Merci à toutes et à tous d'être avec nous ce soir encore au New Star Flash Laser Light Action Club. Nous sommes ensemble ce soir pour une soirée de bonheur musical avec un grand concours de danse. De nombreux super cadeaux pour les heureux gagnants. Il y aura des chocs Marlboro, des autocollants pionniers, des cassons JB, des peluches. À la technique, c'est Michel de Light Jockey Solo. On monte sur les tables, on lève les bras bien haut. Allez, c'est parti. Falling. You know the spirit of the party starts to come alive until the day is dawning. Can throw our arms around the city lights, cause there's music in the air and lots of love and everywhere. So give me the night, give me the night. Con lo sguardo da serpente io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Che idea, quale idea, vedi che lei non ci sta. Che idea, quale idea, è maliziosa ma saprà tenere. C'est DJ Kaze, retrouve-moi tous les dimanches soirs à partir de minuit pour Rai Suprême. On est la faire voler les mots, libérer l'écriture. Donner beau style impur, quelle aventure. Auparavant j'avais coutume d'éviter de la plume. Dorénavant j'assume, les foyers que j'allume. Aucunement lapidaire, mon poste de épistolaire. Entretenir par les mots de ceux qui régnaient la guerre. Après un long périple, mon rap s'est posé. Outre sur un beat confectionné par morcé. Comme à son habitude, sans inquiétude, il élude le temps et toutes ses certitudes. Mais les games, c'est tard et s'y implique. L'homme la vie dont on envie le caractère. Et tout ça applique, pas de panique quand il rapplique. Armé. C'est prolifique. On a coutume de dire que la vie est dure. Moi je me bats pour le futur, quelle aventure. On a coutume de dire que la vie est dure. Moi je me bats pour le futur, quelle aventure. On a coutume de dire que la vie est dure. Moi je me bats pour le futur, quelle aventure. On a coutume de dire que la vie est dure. Moi je me bats pour le futur, quelle aventure. Je ne sais pas dire, mais cela ne va pas sentir. Plutôt que d'en pleurer, je préfère en rire. Quelle aventure en effet de faire éclore une langue dont d'autres s'enterrent. Dans l'optique du gang, le français est beau. Le français me plaît, je mise dessus et non pas sur le mauvais boudet. Ménélique est en piste, mais hors piste. Ni qu'à découvrir, ni style, le seul fait. J'existe, il met tout en œuvre pour que mes efforts tombent à l'eau. Il duplique, réplique et rende mon art à l'eau. Et en moi je suis serein avec enfin sur le chemin. Même si c'est pas le Rubicon, j'ai passé le rap. J'ai avancé par rapport aux pensées sur un et le rap tous les états. Sur un battement de nausée. On a coutume de dire que la vie est dure. Moi je me bats pour le futur, quelle aventure. On a coutume de dire que la vie est dure. Moi je me bats pour le futur, quelle aventure. On a coutume de dire que la vie est dure. Moi je me bats pour le futur, quelle aventure. On a coutume de dire que la vie est dure. Moi je me bats pour le futur, quelle aventure. Rai Suprême, minuit 2h, avec Fred et DJ Kaze sur Skyrock. Était bien. Donc c'est un élément déterminant. Mais non, mais non. Mais non, mais non, non. Non, mais non, mais non, non. Où est-vous pensez, ah, où est-vous savez, oh. Mais peu importe, vous demeurez dans cet état où l'esthétique demeure à vos portes. Stop, je vise le naturel, détruis l'artificiel. Ce point de vue, reste personnel. Skyrock Classics, Classics, KLA2SKS, Rai Suprême, DJ Kaze d'ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock, dans la langue, dans notre activité, que de s'agiter dans le vent. Non, si, oh, oui, que la même gelée, non, ouais, non, non, non, non, même pas. Simple, simple, funky, simple, funky, let's keep funky, simple, funky, Skyrock. D'une comprends, pas un truc bien. N'ont pas envie de suivre nos mêmes esclaves de l'histoire, mais veulent se donner le choix. Combattre et non soumises, à ne créer que la vie. Parcourir un chemin de glace, laisser derrière elle une trace. Elles veulent avant tout goûter à l'égalité. Bâtir désormais leur propre respect. Si l'on peut pas s'arrêter, même abandonner leur projet. Elles vont s'y faire le seul pour avancer. Juger le mieux pour moi. Après tout c'est mon cette ambiance avec tous les sons du moment. C'est Skyrock. On Skyrock. Salut tout le monde, c'est DJ Kays. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême. On sort d'une ronde. Skyrock. Sort d'une ronde, Balzan Breakdown. Ce soir on vous met le feu. Et à ce jeu qui fait mieux personne. En fait, Akhenaton n'aura jamais besoin de Smith et Wesson. Pour fumer le micro, me suffit de stylo. Graffer de monde dans mon cerveau, j'en ai des kilos. Être honnête, il y a un an, je l'avais promis, je le jure. Sur la tête de Silvio Berlusconi, chasser la banalité et la devise. Pour établir la réalité dans mes textes, les parties haineux. Armez le feu, les flics sont nerveux. Les années passent, pourtant tout est toujours à sa place. Ce bitume donc encore moins d'espace. Plus tard, il est nécessaire à l'équilibre de l'homme. Non, personne n'est séquestré, mais c'est tout comme c'est comme de nous dire que la France avance alors qu'elle pente. Par la répression, stoppe et n'est pas délinquant. S'il vous plaît, un peu de bon sens, écho. Ne régleront pas les cas d'urgence à cause de l'air. C'est un peu de demander combien de temps tout ceci va encore durer. Ça fait déjà les années que tôt. T'aurais dû péter, dommage que l'unité n'ait été de notre côté. Mais vous savez que ça va finir mal. La guerre des mondes, vous l'avez voulu, la voilà. Mais qu'est-ce qu'on attend pour faire ça faire? Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu? Que vivre baïonné, en effet, comme le veut la société. C'est un fait, mais il est temps que cela cesse. Pas face à l'allégresse, grève, gaine, jeunesse, jeunesse, venge, brûle l'État. Policier en premier, on brûle, notre tour est venu, à nous de jeter les dés. Décidez donc, mentalement de cesser, mais quoi? Numéro, tu vois pas, tu fais semblant, tu m'entends pas. Je crois, plutôt que tu ne t'accordes pas vraiment le choix. Coco, sont déjà dans ce cas, voilà pourquoi cela finira dans le désarroi. Désarroi, déjà roi. Le monde rural en élection. La vie est courte, les délices, c'est du bonheur substantiel. La mort frappe l'oiseau, assassiné en plein ciel. Les sœurs collaborant, emporter des fois les corps. Le bad boy sort quand le port au nord s'endort encore. Mourir à 30 ans, passer du bon temps d'angoisse. Casse l'enfant, fait du frère un type arrogant. Assuré de voir un autre jour sous les coups. Je peux quand même apprécier un coucher de soleil comme vous. Restez lucide si les soucis troublent ma raison. Quand des tours de béton s'érigent à l'horizon. Et dans un sol, s'élève vers les cieux pour replonger plus tard vers le sol. Vision de cauchemar, noir des savoir. Enjeu déchu, ma mise sur le purgatoire. Croire en soi, rien de nouveau sous le soleil. Tu reconnais bien le style des bad boys. ce morceau ça part au couille. J'entends les réactions de mon regard sur la foule. J'ai la merde, c'est le voir ou ta cagoule. Ils essaient pas de nous faire croire, aujourd'hui le monde est cool. Alors qu'hardcore les critiques et la situation dans le monde. Hardcore, comme je te l'ai dit, à chaque seconde des bombes. Hardcore, des trafics de stupéfiants à bombe. Hardcore, comme si je faisais sauter une bombe à Disneyland. Hardcore, des noms qui font trottoir en Thaïlande. Hardcore, la sanction qu'on t'a pas su tenir ta langue. Hardcore, la tante avait sué ça à Hiroshima. Parfois souvent les Rolands assassinent au Rwanda. Hardcore, sont les récents événements en Algérie. Hardcore, la façon dont ils détruisent l'Amazonie. Hardcore, sont les conditions de vie ici on sont pris. Hardcore, on chope les lois dans ce pays où se visser. Hardcore, qui a essayé d'entreprendre Jacques Mestri. Hardcore, à la fin du monde on envoie les premiers signes. Hardcore, deux PD qui s'embrassent en plein Paris. Hardcore, les scènes de cœur, la télé à 2000. Hardcore, quand on rentre sur la piste, on est venu teaser, claquer du pif. Rice Rice Suprême, minuit, 2h. Avec Fred et DJ K sur Skyrock. Qu'est-ce que tu piches, oh scène, major en l'air sur la piste. Même si gardez la baisse, vous n'êtes pas sur la liste. Dans la rue, mais l'être humain qui m'attriste. Comment leur faire confiance, ils ont tué. Skyrock, dimanche soir, DJ K se mixe tous les sons de Rice Suprême. En direct sur Skyrock. بدق الحال عليا داوي حالية ابو عدب سيدي روف عليا عبد القادر يا بولا بدق الحال عليا داوي حالية بولا سيدي روف عليا سيدي عبد الحبيب دير مجهود بدون تحزن ولا طارت القلب خديمة دير مزيا سيدي عبد الحبيب دير مجهود بدون تحزن ولا طارت يا سيدي بوم الجن انا في بردك الامن يا سيدي الهواري سلطان الغاري وش بني عبد الله سلطان العالية Yeah.

DJ Case au platine. Minuit 2h. Dans Rail Suprême. Sur Skyrock.

شيت سيستم هو Écoute-moi, oh, Aïcha, Aïcha, ton papa, oh. tes trésors. Moi je vaux mieux que tout ça. تمنيت نعيش معك غير انتي عايشة عايشة والقلب انشا On Skyrock. ce moment sur Skyrock.